Vous devez excuser ma voix. Elle n'a pas servi depuis longtemps. Pour une partie de ce cours, c'est moi qui vous parlerai. Pour une autre partie, une personne prêtera sa voix de façon à vous guider dans ce merveilleux monde, qu'est le monde de la mort, le monde astral. Le monde de la mort ne doit pas vous faire peur, parce que le monde de la mort, c'est le monde de la mémoire. Et le monde de la mémoire, c'est le monde des annales akashiques, c'est le monde astral. Oui, vous pénétrez le monde astral lorsque vous pensez, lorsque vous imaginez et lorsque vous rêvez. Mais ce cours vous permettra de diriger votre voyage et de rêver consciemment, là où vous voulez rêver. Il est important de bien comprendre qu'à travers les exercices, l'important est de pratiquer. Il ne faut pas intellectualiser. Vous devez vous servir de votre intuition. Je répéterai souvent certains avertissements qu'il faut absolument considérer si vous voulez parvenir à vous servir de ce formidable moyen d'évolution qu'est le voyage dans le monde astral. Celui ou celle qui intellectualise ce cours fera un voyage intellectuel, mais jamais il ne pénétrera le monde astral comme il le faut. Pour débuter, il faut être d'accord sur ce qu'est l'astral. Ouais. J'ai voyagé dans ce monde, j'y voyage encore. Et une partie de moi provient de ce monde. Il y a plusieurs philosophies qui tentent d'expliquer ce qu'est l'astral, ce qu'est le monde astral et comment y voyager. Ce monde peut faire peur. Il peut même tuer. Il peut rendre malade. Mais ce monde, lorsque l'on sait l'apprivoiser, peut aider. Construire, éduquer, instruire et accélérer d'une certaine façon l'évolution vers une conscience qui va bien au-delà du monde astral. Ouais. Il ne faut pas penser que la limite de la conscience humaine est ce monde. Ce serait une erreur. Ce monde porte différents noms dans le langage de l'homme. Le nom le plus juste, le monde de la mort, le monde de la mémoire, là où vont les âmes, à la mort du corps physique. On l'appelle aussi le nirvana, on l'appelle le ciel, on l'appelle l'anal, akashique, l'akasha, la mémoire du temps. Oui, la mémoire de l'humanité. Le monde astral est présent dans le même espace-temps que la matière. Il est donc chez vous. Il est à l'intérieur de votre corps, autour de vous, partout dans vos meubles, dans l'air que vous respirez. Voyager dans le monde astral, c'est déplacer sa conscience du corps physique et la faire voyager dans le monde de la mémoire. Le monde astral. Le monde d'où proviennent les âmes, mais pas l'esprit. Dans ce monde astral, il n'y a pas d'intelligence. Il y a de la mémoire. Lorsque nous parlons d'un fantôme, nous ne devons pas parler de l'esprit, car ce n'est pas de l'esprit. Le monde astral, là où il n'y a pas de l'esprit, mais où sont les âmes, est constitué de plusieurs étapes, de plusieurs niveaux, de plusieurs parties. C'est comme un édifice de plusieurs étages pourvu d'un ascenseur. Tous les étages font partie du monde astral. Mais sur chacun des étages, il y a plusieurs niveaux, plusieurs pièces, plusieurs corridors. Et tout cela est le monde astral. Ouais. Le voyageur peut choisir l'étage, mais sur l'étage, il peut aussi choisir le corridor. Et dans le corridor, il peut choisir la pièce. Considérons que le premier plancher contient et est bâti à même la mémoire de l'enfer. Ce sont les mémoires de la création de la Terre, lorsque la Terre s'est densifiée alors qu'elle était une boule de feu. Et cet enfer n'est constitué que de mémoires de flammes et de chaleur atroce. Ouais. L'étage qui suit un peu plus haut est constitué des très bas fonds de l'expérience de l'homme. Il est constitué d'atroces souffrances, de meurtres, de tueries, de guerres et de très graves accidents. Et même de l'expérience de suicide. Sur l'autre étage, nous retrouvons les souffrances psychologiques et physiques, la haine. Ouais. Un étage plus haut, nous retrouvons les jalousies. Il y a les mémoires expérientielles, les mémoires créées par l'expérience de la dispute, de l'engueulade, du chantage, de l'angoisse et de l'ennui, de la honte, de la culpabilité. Mais montons un étage plus haut, c'est plus intéressant. Il y a les mémoires de la neutralité, les mémoires de l'indifférence, les prémices de l'expérience mémorielle de la morale humaine. Plus haut, un étage plus haut. La morale sociale, la morale familiale, les philosophies de base de l'humanité. Un autre étage, il y a les morales religieuses, les morales hautes de la philosophie humaine, les grandes morales sociales, les désirs de construire, les désirs de paix. Un étage en haut, nous retrouvons les hautes sphères de la spiritualité, les joies, l'amour, toutes les choses qui réussissent. Il y a les espoirs féconds, le plaisir de vivre. Encore en haut, nous retrouvons la très haute spiritualité. Il y a les mémoires du passage des humains qui ont altéré le cours de l'histoire de l'humanité, les guides, les avatars, les maîtres et les expressions des mémoires de Dieu. Sur un autre étage, il y a les contraintes spirituelles. Et nous décrivons la mémoire du mental qui a été conservée sur l'enveloppe extérieure du monde astral, le monde de la mort. C'est un monde, le monde astral, qui réserve énormément de surprises. Ouais. Certaines de ces surprises sont la liberté, la libération de la conscience de celui qui voyage. Car le monde astral, la mémoire du temps, a connu dans le passé différents grands avatars, différents grands maîtres. C'est dans ce monde que nous pouvons rencontrer la majorité de ces maîtres. Ce ne sont plus de véritables maîtres, ce n'est que leur mémoire. Et c'est important de bien comprendre ce que je dis. C'est de la mémoire de maître. Cette mémoire peut nous guider, mais elle peut aussi nous tromper. Le monde astral, divisé en plusieurs étages, en plusieurs paliers, est un monde qui peut être parcouru. sur plusieurs étages à la fois. Ouais. Et nous pouvons aussi le parcourir en groupe. Le monde astral n'a pas uniquement que des étages. Dans ses corridors, ainsi que dans ses locaux, nous retrouvons différentes dimensions de conscience et c'est par l'étude de ces dimensions que vous parviendrez à conscientiser le voyage astral, c'est-à-dire à le vivre consciemment. Ce ne sera plus qu'un rêve. Ce sera un rêve éveillé. Lorsque nous choisissons un étage, nous pouvons choisir un corridor. Lorsque nous progressons dans le corridor, nous progressons dans la densification de la conscience du voyageur. Nous verrons un peu plus tard ce qu'est le voyage astral, puis comment voyager. Mais nous devons comprendre clairement ce qu'est le monde astral, ce qu'est l'astral. Il est imprudent de voyager dans un pays neuf si on n'a pas pris connaissance de sa géographie, de sa géologie, du peuple qui l'habite, des lois qui régissent le pays, ce que l'on demande à la frontière, le temps qu'on peut rester dans le pays, ainsi que ses dangers. Voyager sur la terre peut être une bénédiction, mais voyager sur la terre peut aussi être une malédiction. Ainsi en est-il dans le monde astral. Nous ne devons pas avoir peur. La peur est la plus grande limite, la première barrière et la dernière barrière. Dans le monde astral, nous pouvons rencontrer différents états émotifs, comme nous pouvons rencontrer différents paliers de mémoire. Nous avons aussi des paliers qui sont des consciences émotives. Il y a, comme nous l'avons vu, sur un des étages, la mémoire de la peur. Mais selon le corridor que nous allons choisir, nous rencontrerons la petite peur, la peur, la grande peur, la panique. Il en est de même pour l'étage où la mémoire de l'amour a été enregistrée. Nous pouvons rencontrer, c'est-à-dire vivre pendant le voyage, un petit amour, un grand amour, une folie. Non seulement il y a une hauteur dans le monde astral, mais il y a une profondeur. Et cette profondeur détermine la conscience du voyageur, c'est-à-dire que la profondeur détermine ce que le voyageur de l'astral sera capable de ramener dans sa conscience lors de l'éveil de son corps physique. Pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait saisi, il est de première importance de prendre une feuille et un crayon et de décider, de dessiner un édifice. Un édifice sur lequel chaque étage sera noté en fer. Morale, etc. De façon à ce que la conscience de l'ego, de façon à ce que votre conscience mémorise, apprenne, comprenne ce qu'est le monde de la mort pour que ce monde ne soit plus uniquement subjectif, mais devienne un peu plus objectif. Par la suite, dans cet édifice que vous aurez dessiné, Vous la créerez en trois dimensions. Vous rajouterez un côté, les corridors. Pour bien comprendre que prendre l'ascenseur pour monter à un étage est une chose. Le rêve, le voyageur du rêve, joue dans l'ascenseur. C'est pourquoi il ne conscientise pas. C'est pourquoi il ne se rappelle pas. C'est pourquoi il ne revient pas avec de l'information claire du monde astral. Vous devez comprendre la mécanique de la constitution de ce monde. Sortir de l'ascenseur sur un corridor, c'est commencer véritablement le voyage astral. Ouais. Lorsque vous serez capable de bien visualiser le monde de la mort, le monde astral, le ciel, le nirvana, alors, il sera temps d'en connaître les dangers et d'en connaître les bienfaits. Même si vous devez dessiner, même si vous devez visualiser, vous ne devez pas intellectualiser. Le monde astral n'est pas le monde de l'intellect. Le monde astral est le monde de l'intuition. C'est le monde de la croyance. C'est le monde de la foi. C'est le monde de l'imagination. C'est le monde de la pensée intuitive. Et c'est le monde de la mémoire de tout ce qui a été vécu. Pour le pénétrer, nous devons être comme lui. Dans le monde de la mort, il n'y a pas d'intellect. Dans le monde astral, il n'y a pas de mental. Dans le monde astral, il n'y a qu'émotion. Dans le monde astral, il y a de la spiritualité. Dans le monde astral, il y a le bien. Il y a le mal. Il y a le bon. Il y a le mauvais. Mais il n'y a pas de place pour l'intellect. Lorsque vous voyagerez, ce ne sera pas toute votre entité qui va voyager, mais la partie astrale de votre constitution uniquement. Ouais. Et vous verrez comment. Le monde astral est constitué à même l'énergie atomique de l'atmosphère et de toute forme de matière de la planète. Le monde astral existe dans l'énergie qui relie les atomes, dans l'énergie qui relie les atomes en molécules. C'est pourquoi il y a le monde astral dans votre corps. C'est pourquoi il y a le monde astral autour de vous. Et c'est pourquoi vous respirez le monde astral. Mais le corps de l'homme permet aussi l'agglomération d'une conscience lucide qui échappe à l'astral. Les prémices de cette conscience sont l'intellect, qui plus tard sera muté en mental. Parce que l'intellect ne fait pas partie du monde astral, parce que le mental ne fait pas partie du monde astral. Le mental ne fait partie que de l'enveloppe de l'astral. Parce que ces conditions ne sont pas incluses dans le monde astral, le voyageur ou la voyageuse qui est trop mental ou qui est trop intellect ne peut y pénétrer. Elle aura l'impression de partir, de revenir, de partir, de revenir. Le monde astral est de la mémoire. Comprenez-le, parce que cela vous sera utile. Le monde astral est de l'illusion réelle. Le monde astral est de la mémoire. La mémoire akashique. La mémoire de tout ce qui a été sur la terre. Mais comprenez ce premier piège. Il y a la mémoire d'un accident. Ouais. Mais il y a aussi la mémoire de la vision de l'accident créée par chaque témoin. Ouais. Il y a la mémoire de ceux qui ont entendu parler de l'accident. Ouais. Et il y a la mémoire de ceux qui ont entendu parler, ceux qui ont entendu parler de l'accident. Ouais. Et il y a la mémoire de ceux qui se sont souvenus de l'accident. Ouais. Et toutes ces mémoires constituent de l'expérience qui crée une distorsion dans la réalité du monde astral. Ouais. Cette distorsion est l'illusion. Ouais. Et connaître cette mécanique, c'est connaître un grand piège dans le monde astral. Il faut se rappeler, ouais, que l'expérience de l'évolution de l'humanité est constituée de plusieurs mensonges, ouais, et que la vision de l'âme, de la femme et de l'enfant est une vision colorée, ouais, une vision de recherche de vérité. Et la vérité est la coloration du mensonge pour celui qui a la certitude de celle-ci. Ouais. Car la vérité est la coloration de la réalité. Et le mensonge est la coloration de la vérité. Ouais. Le voyageur, la voyageuse astrale doit savoir, doit comprendre que tout ce qu'il rencontrera ne sera pas nécessairement de la mémoire de réalité, mais cela peut être de la mémoire colorée. Ouais. Et le voyage astral, lorsqu'il est vécu par une personne consciente de ce piège, perd déjà la majorité de ses dangers. Ouais. Car on ne doit jamais croire tout ce que l'on rencontre dans ce monde, comme on ne doit pas croire non plus tout ce que l'on rencontre dans le monde de la matière, par son corps physique, lorsque l'on se croit réveillé. Vous devez bien comprendre la mécanique du monde astral, quitte même à réécouter cet enregistrement. Ouais. Parce que, bien souvent, celui qui va lentement, plus rapidement il arrive. Ouais. On ne doit pas écouter les autres enregistrements tant qu'on n'a pas la certitude d'avoir une visualisation concrète de ce qu'est le monde astral. On doit prendre le temps qu'il faut pour en sauver par la suite. Ouais. Maintenant que nous avons vu ce qu'était l'astral et le monde, nous allons comprendre ce qu'est le voyage astral. Ouais. Très utile pour faire un voyage astral. Lorsque nous faisons ce genre de voyage, c'est comme si nous pénétrions dans l'édifice. Ouais. Nous pouvons choisir l'étage. Nous pouvons choisir le corridor. Ouais. Et nous pouvons choisir la salle. De cette façon, nous choisissons le rêve, le voyage astral que nous voulons. Chaque corridor est différent. Ouais. Un corridor est la mémoire exacte de ce qui a été vécu ou de ce qui a été dit. Un autre corridor est la copie de cette mémoire. Ouais. Un autre corridor est constitué de ce que les hommes, les femmes et les enfants ont pensé de l'événement. Donc, lorsque un individu voyage dans ce corridor, il croit vivre des événements réels qui ne sont en réalité que des événements colorés par ceux qui ont réfléchi sur ces événements même. Ouais. Un autre corridor est constitué des événements détruits par la volonté de l'homme, colorés par les historiens, colorés par les espoirs, par l'émotivité. Ouais. Et plus nous prenons le mauvais corridor, plus nous nous éloignons de la réalité même de l'événement. Ouais. Prenons un exemple. Un individu qui décide de faire un voyage astral dans une époque particulière, celle du Nazaréen, celle que certains appellent le Christ, Alors il prend l'étage émotif, là où il veut aller. Par la suite, il prend le corridor qui le mène vers l'époque, S'il emprunte un corridor appelé Analakashik, la mémoire du temps, telle qu'elle a été vécue par la matière, alors il découvrira exactement ce qu'est ou ce qu'a été Jésus-Christ, Mais s'il emprunte un autre corridor, il verra un autre Nazaréen. Il peut le voir plus beau que ce qu'il a été, Il peut aussi prendre un corridor où il verra un Nazaréen, les cheveux courts, entouré de disciples masculins. Il le verra homosexuel, Dépendamment du corridor qu'il emprunte, il a une histoire très différente et très fictive, de la réalité. Et cette histoire a été engendrée par ceux qui ont connu le Nazaréen, ceux qui en ont entendu parler, ceux qui l'ont haï, ceux qui l'ont aimé, Voilà pourquoi il est important pour tout voyageur et voyageuse de l'astral de ne pas se fier au début de ce qu'il découvrira dans ce monde astral, Car une grande partie de ce qui a été mémorisé a été coloré et est déformé, À la longue, le voyageur et la voyageuse de l'astral finit par discerner les mémoires akashiques, celles de la réalité, des mémoires émotives et des mémoires colorées de la réalité. Le monde astral est la mémoire historique depuis la création de la matière planétaire jusqu'à vos jours, aujourd'hui. Nous pouvons choisir l'état émotif. Nous pouvons choisir l'endroit géographique. Et évidemment, nous pouvons choisir l'endroit temporel du voyage, Mais pour parvenir à ce genre de résultat, il faut pratiquer, Il faut se laisser aller. Et la plus grande qualité du voyageur astral, c'est de ne pas avoir peur, La peur est une émotion. Et comme vous serez émotif, et dépendamment de votre état émotif lors de votre départ, c'est sur cet étage que vous vous retrouverez, Si vous faites un voyage lorsque vous êtes inquiet, vous aborderez l'étage de l'inquiétude, Et sur cet étage, c'est là qu'on a enregistré la mémoire de l'inquiétude, Un bon voyage astral, un voyage réussi, un voyage bien fait, ne permet pas uniquement de voir les choses, non. Il permet de les entendre, de les sentir, presque de les toucher. Mais il vous obligera à vivre l'émotion enregistrée dans la mémoire astrale en même temps que l'événement, C'est pourquoi, un jour, involontairement, disons, vous faites un voyage là où la peur n'existe pas. Et l'événement que vous vivez, disons que c'est un événement créé par la psychologie de l'âme, un événement fictif, Vous pouvez même, d'ailleurs, créer ce genre d'événement pendant le voyage. Prenons un exemple. Vous voyez un homme braquer une arme vers vous et tirer. Et lentement, vous voyez la balle sortir du canon et se diriger vers vous. Mais vous n'avez pas peur, parce que vous n'êtes pas sur l'étage de la peur, Un autre jour, vous refaites le même rêve. Et lorsque vous verrez la balle sortir du canon, si vous êtes sur l'étage de la peur, alors vous aurez peur, Pourtant, vous vivez le même événement, mais vous n'êtes pas sur le même étage. Dans le premier cas, ce sera comme un rêve bizarre. Dans le deuxième, vous appellerez cela un cauchemar, Parce que vous êtes sur l'étage de la peur. Vous connaissez la peur. Si, au départ, lorsque vous faites un voyage astral, vous partez avec une émotion particulière, vous avez presque toutes les chances, de partir sur cet étage. Bien sûr, lorsqu'un mental est capable de contrôler l'âme, de contrôler l'ego, alors il sera capable de changer d'étage. Et Nous verrons comment. Plus tard, ouais. Le voyage astral est uniquement une extra-conscientisation du corps physique. L'homme, la femme, l'enfant ont une conscience qui habite le corps, ouais. Parvenir à sortir, à expulser cette conscience astrale du corps physique, c'est faire un voyage astral. Ouais. L'âme est reliée au monde de la mort par un grand canal. Ouais. Un grand canal qui est souvent appelé canal de la réincarnation. Ouais. Ou encore corde ou cordon d'argent. Ouais. Il n'est pas en argent. C'est la couleur de l'énergie vitale. Ouais. Mais il y a un autre cordon qui relie le corps astral créé par l'illusion de la conscience du voyageur et qui relie ce corps directement au corps physique. Ouais. L'illusion, mais utile. Ouais. Un peu plus loin, nous verrons les possibilités, ouais, et les bienfaits d'un voyage astral. Mais nous verrons aussi ses dangers et sa limite. Ouais. Ouais. Être capable d'expulser la conscience astrale, la conscience mémorielle du corps physique, ouais, nous mène directement dans le monde de l'astral. Certains appellent cela le voyage de l'âme, mais l'âme est le corps astral de l'homme. Certains disent que le voyage astral est dangereux et que le voyage de l'âme, lui, est sans danger. Ouais. Mais c'est la même chose. Tout dépend de la façon dont on procède. Ouais. Et ce que vous apprendrez est sans danger. Ouais. Historiquement, le voyage astral permettait à certains initiés de transcender les limites de la conscience humaine. Et ils faisaient cela dans le monde de la mort, le monde astral, ouais. Il y a toujours des dangers dans l'astral, comme il y en a dans la vie physique, ouais. Mais il y a de très bons côtés dans les deux mondes, ouais. Il y a plusieurs façons d'envisager le voyage astral. Ce que je vais vous enseigner est une façon simple, facile, efficace, mais qui n'est pas traditionnelle, non. Une nouvelle méthode, ouais, pour une nouvelle race, ouais. Pour faire un voyage astral, il n'est pas nécessaire d'imaginer ou de percevoir son corps astral, car le corps astral est une illusion. Le voyage astral est une extra-conscientisation de votre conscience, de votre corps physique, ouais. Pour diriger celle-ci dans le monde astral, là où vous voudrez aller, ouais, il faut un peu d'imagination. Ouais. Lorsque l'homme, la femme ou l'enfant fait un voyage astral, il fait un rêve. Ouais. Mais dans la majorité des cas, l'extra-conscientisation, la qualité de cette extra-conscientisation, le pourcentage de la conscience extirpée et placée dans le monde astral est faible. Ouais. Et c'est pourquoi, bien souvent, le rêveur n'a pas le contrôle du rêve. Et c'est pourquoi nous n'avons pas toujours l'impression d'y être vraiment, ouais, comme dans la vie matérielle, le rêve éveillé. Dans un rêve, lorsque 20% de la conscience n'est plus dans le corps physique, mais se retrouve dans le monde astral, le rêve est coloré, ouais, plaisant, vivant, perceptible, mais il ne touche pas trop le corps, il ne dérange pas, non. Mais si le rêve devient un cauchemar, le rêveur ne connaît pas la peur, mais le corps physique réagira un peu dans le lit, ouais. Si 40% de la conscience du rêveur est dans le monde astral, ouais, alors le rêve, autrement que visuel, commence à être auditif. On entend, ouais. On commence alors à croire que nous y sommes vraiment, ouais. Le corps physique réagit, beaucoup plus. Ouais. Si ce rêve est un cauchemar, alors on connaîtra la peur. Ouais. Et le corps physique s'agira dans le lit. Il transpirera. Le cœur accélérera. C'est le cauchemar. Ouais. Le voyage astral nécessite 60% minimum de la conscience dans le monde astral. Ouais. À ce degré d'extra-conscientisation, non seulement nous voyons, entendons, mais nous pouvons sentir, ouais. Sentir l'astral. Nous pouvons percevoir, entendre les bruits, les chants, les paroles, sentir les odeurs que le vin amène, ouais, parce que nous sommes là. Mais dans un voyage astral de cette intensité, ouais, ce n'est plus un rêve. Le corps physique peut être extrêmement sollicité, ouais. Lorsque le voyageur parvient à 70 ou 80% de conscience astrale, nous sommes dans le passé. Nous vivons dans le passé. C'est un retour dans le temps, ouais. Ouais. À 90%, nous sommes un voyageur diplômé, ouais. À 100%, nous sommes morts. Mais évidemment, nous ne pratiquerons pas le voyage à 100%. Non, plus tard, vous pratiquerez ce voyage. Pas maintenant, non. Ouais. Normalement, un bon voyageur astral atteint 80% d'extra-conscientisation. Et il n'y a pas de danger d'atteindre plus, parce que pour cela, vous devrez mourir. Et ce sera un décès normal, comme tous les individus en vivent, ouais. Mais par secours, vous ne pouvez pas mourir. Cela est impossible. Ouais. La personne qui meurt est consciente, sauf qu'elle n'a plus de corps physique convenable pour la ramener, pour la réveiller. Ouais. Ce qui n'est pas le cas du voyageur astral. Le voyage astral est donc une extra-conscientisation du corps physique, comme le dit certaines personnes. C'est une extra-conscientisation très prononcée, beaucoup plus prononcée que le rêve. Ouais. Le cauchemar est un rêve très prononcé. Et le rêve est un voyage astral très peu prononcé, très, très atténué. Ouais. Une chose que presque personne ne sait, c'est qu'il est possible de voyager dans l'astral en groupe, ouais, à plusieurs. Le voyage astral peut se faire avec d'autres personnes, ouais. Mais il y a nécessairement des dangers. Ce ne sont pas de grands dangers. Mais nous y reviendrons, ouais. Il est important, je le répète, de bien comprendre ce qu'est l'astral et ce qu'est le voyage astral pour faire un voyage en restant totalement conscient, ouais, de ce que nous allons faire pour être capable de bouger devant ce que nous allons rencontrer. Et pour cela, il est important d'avoir à l'esprit ce que nous faisons. Ouais. Ouais. Lorsque moi, je voyage dans l'astral, je suis exactement comme lorsque vous voyagez sur une route dans la matière. Ouais. Je sais avant de partir ce que je fais. Et je le sais tout au long du voyage. Ouais. Partir est une chose. Voyager en est une autre. Ouais. Et revenir est encore plus plaisant. Ouais. Bien souvent, ce que nous irons chercher, nous découvrirons que nous l'avons chez nous. Mais pour le connaître, ouais, il fallait partir. Le voyage astral est nécessairement une bénédiction pour celui et celle qui a autre chose à faire dans la vie que de niaiser, ouais. Parce que nous reviendrons sur les dangers karmiques, sur les retours de ce genre de voyage, lorsque le voyage astral n'est pas fait dans le but d'avancer dans la conscience. Ouais. Lorsque nous utiliserons le voyage astral pour aller observer les voisins, plaisant, ouais. Mais karmiquement, dangereux, ouais. Nous y reviendrons. Donc, pour faire convenablement le voyage astral, il faudra pratiquer les techniques que vous verrez dans les enregistrements qui suivent, ouais. Mais pour faire un voyage astral convenable, il faut, je le répète, bien avoir saisi ce qu'était le monde astral, ouais. Et par la suite, bien comprendre que le voyage astral ne nécessite pas la vision d'un corps astral. Plusieurs personnes qui vont dans l'astral disent qu'ils ont vu leur corps. Alors, s'ils ont vu leur corps, c'est qu'ils n'étaient pas dedans. Ouais, ouais. Ce n'est pas nécessaire. Et la technique que vous apprendrez ne nécessitera pas ce genre de distraction. Non. L'efficacité, avant tout, ouais. Vous jouerez après. Ouais. Le voyage astral est finalement la sortie d'une partie de la conscience mémorielle de l'âme, de l'homme, par le canal qui lui a permis la réincarnation. Ouais. Et cette extra-conscientisation l'amène dans le monde de la mort, là où il y a de la mémoire. L'imagination est un grand facteur dans ce voyage astral. Mais il ne s'agit pas d'imaginer n'importe quoi, non. Parce qu'imaginer n'importe quoi, bien que ce soit un voyage astral, ne permet pas à l'apprenti de s'initier au mystère de la vie, au mystère de la mort. Ce n'est pas évolutif. Ce n'est que distraction, ouais. Le voyage astral, lorsque nous sommes dans le monde de la mort, dans le monde de la mémoire, est un déplacement, ouais, dans cette mémoire. Exactement comme si vous auriez la possibilité, ouais, de pénétrer une pellicule de film et au lieu de regarder ce film, projeter image après image sur un écran, vous pénétrez directement dans la bobine et vous cheminez là où vous voulez aller, ouais. Vous sautez des bouts, vous revenez en arrière, vous fixez les images, ouais. Tel est le voyage astral. Son utilité provient du fait qu'il permet à l'homme, à la femme ou à l'enfant de voyager sans son corps physique, là où il ne peut y aller avec le corps, et de voyager dans le passé, ouais. Mais le voyage astral ne doit jamais devenir un jeu. Nous ne devons pas nous vanter de nos exploits. Nous ne devons pas nous vanter de réussir, non. Parce que plus l'être humain est orgueilleux, ouais, plus il est attiré par des étages d'orgueil, ouais. Alors il ne contrôle pas son voyage astral, car il est contrôlé par son émotivité et non par son mental, ouais. Moins l'être humain est orgueilleux, et plus le voyage astral devient plaisant. C'est comme s'il pleuvait moins. C'est comme si on n'avait pas de crevaison. Ouais. Le voyage astral donne souvent l'impression de flotter. Lorsqu'un individu se réveille, lorsqu'il était presque en train de dormir et qu'il a l'impression de tomber à terre et qu'il fait un mouvement brusque, c'est qu'il avait un retour rapide de sa conscience astrale vers son corps physique. Et cela l'a réveillé avec l'impression de tomber. Mais ce n'est pas dangereux, ouais, non. C'est amusant. Lorsque la personne a l'impression de voler, de flotter, c'est qu'elle est dans l'astral. Lorsque la personne a l'impression de se voir ou de voir une pièce de la maison, c'est qu'elle est dans l'astral, ouais. Mais sachez une chose. Dans le monde astral, vous ne parviendrez jamais à voir la réalité dans l'instantané. Non. Lorsque vous traversez un mur, par exemple, et que vous voyez ce qui se passe dans l'autre pièce, vous ne voyez que la mémoire. Même si cette mémoire date d'un millième de seconde, c'est de la mémoire. C'est pourquoi vous ne pouvez rien toucher dans la matière. Et retenez, maintenant, que la mémoire, même si c'est de la mémoire de réalité, c'est de l'illusion, ouais. Même si c'est utilisable et utile.